invité aujourd'hui a de son propre aveu la marotte gustavienne. Flaubert forever, Flaubert everywhere, écrit-elle avant d'ajouter « Je l'appelle aussi le bon Gustave, alors que je vis un peu avec lui, nous faisons bon ménage, c'est facile avec les morts. » Gustave en sa demeure, Flaubert et sa mère, sa sœur, sa nièce, qu'est-ce que ça change à l'écrivain que nous croyons connaître de savoir qu'il les aime autant? Et de découvrir comment il leur écrit et le rôle qu'il s'attribue. Si Flaubert peut changer la vie, que faire de la vie ordinaire qu'il conjure, conchit et décrit dans des lettres, celles que vous allez entendre ce matin? En lisant Flaubert, j'ai eu la révélation du bien écrit. Et à partir du moment où j'ai lu Un cœur simple, à partir de ce moment-là, il m'a été impossible de continuer de lire les Sherlock Holmes en feuilleton et un tas d'autres choses qui faisaient la joie de mes amis. Moi, j'avais déjà compris ce que c'était la bonne littérature. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement ce qu'on y dit, mais c'est la façon dont on dit quelque chose, c'est une manière de dire qu'est la littérature. Bonjour Marie-Hélène Lafont. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Très heureuse de vous recevoir à ce micro. Vous êtes écrivaine, vous avez publié notamment un livre sur Flaubert, des pages choisies, hein, vos moments préférés de la correspondance de Flaubert aux éditions Buchet-Chastel. On vous doit aussi l'histoire du fils aux éditions Buchet-Chastel qui a reçu le prix Renaudot l'an dernier. Êtes-vous d'accord avec Eugène Ionesco lorsqu'il dit que c'est Flaubert qui lui a appris le bien écrire et c'est en lisant Un cœur simple qu'il a compris ce que c'était que la bonne littérature? La bonne littérature, je trouve que Eugène Ionesco s'avance là sur des brisées dangereuses. En revanche, la bonne littérature, la mauvaise littérature, toute classification qui me défrise, on va dire. Et c'est une voie dans laquelle je ne m'engagerai pas. En revanche, là où je suis totalement d'accord avec lui, c'est l'éblouissement d'un cœur simple. Plus rien n'est jamais pareil après la lecture d'Un cœur simple. Je dis volontiers qu'Un cœur simple, pour moi, c'est l'épicentre du séisme de Flaubert. Et j'appelle Un cœur simple le bréviaire absolu dans ma vie de lectrice qui ensuite s'est mise à écrire. Ce fut comme une apparition, Un cœur simple, dans ma vie. Pour citer une phrase de l'éducation sentimentale, lorsque Frédéric Moreau aperçoit Madame Arnoux pour la première fois. En effet, avec Un cœur simple, 30 pages. 30 pages écrites par Flaubert. Tout à fait tardivement. C'est sa dernière œuvre publiée, au fond, puisqu'ensuite on aura Bouvard et Pécuchet, mais qui sera posthume et qui n'est pas terminée. Donc, il écrit tardivement, Un cœur simple, il l'écrit, et il en a été question dans l'émission de mardi, il l'écrit, j'ai presque envie de dire, pour George Sand, dans la foulée du lien généreux qu'ils ont ensemble, et aussi des oppositions qu'ils ont, oppositions politiques profondes. Ils se rejoignent sur le terrain du poétique, mais sur le terrain politique, ils ont de vieilles dents l'un contre l'autre, j'ai presque envie de dire. Et Un cœur simple, c'est vraiment pour elle. Elle ne le lira pas. Elle meurt juste avant. Elle meurt juste avant le. Il vient à peine d'achever le texte, elle meurt juste avant la publication. Bon, et le texte en lui-même, la trajectoire de Félicité. Racontez-nous l'histoire pour ceux qui l'ont pas en tête. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait le ménage et la cuisine, cousait, lavait, repassait, savait battre le beurre, engraisser le cheval. Vous le connaissez par cœur. Tirer un cheval. Allez-y. Et resta fidèle à sa maîtresse qui, cependant, n'était pas une personne agréable. Eh bien moi je dis que la littérature c'est le cependant, qui cependant n'était pas une personne agréable. Oui. Tout Flaubert est dans ce cependant. C'est-à-dire... Toutes les contradictions de Flaubert sont dans ce cependant. Et toutes les tensions vitales qui vont animer l'existence très neutre et très incolore, en apparence de Félicité, sont dans ce cependant. Félicité, donc, quand elle a 18 ans, elle vit une histoire d'amour, elle a vécu comme une autre son histoire d'amour, une histoire d'amour très banale. Elle est abandonnée par un homme et elle quitte la ferme dans laquelle elle travaillait. Elle traverse Pont-l'Évêque, elle rencontre une bourgeoise, Madame Aubin, qui cherche une servante, elle l'engage. Et Félicité passera toute sa vie chez Madame Aubin. Et Elle aimera successivement ce premier amoureux qui l'a délaissé, les enfants de Madame Aubin, un vieux paysan qui s'était mal conduit pendant la Révolution, un perroquet, voilà le célèbre perroquet, le célèbre loulou, etc. Bon, donc les amours de Félicité qui vont gonfler son cœur de servante racornie vont se succéder comme ça dans un processus déceptif. Et Félicité va garder toute son ardeur à être, toute sa puissance d'amour, intacte. C'est prodigieux et il n'y a aucune emphase. Il n'y a pas un mot de trop, le mot juste est la juste place. À mon sens, hein, c'est dans ces 30 pages-là, dans ces 30 pages-là que Flaubert atteint ses sommets. Mais quand on lit ça à 19 ans, moi je l'ai lu à 19 ans, et qu'on a le désir d'écrire, on se dit que tout a toujours déjà été fait. Ben oui. Voilà. Et c'est le problème de Flaubert, vous le dites bien, vous dites quand j'écris, je ne peux pas lire Flaubert, voilà. Sinon ça m'empêche d'écrire. Voilà, et d'ailleurs vous l'avez signalé dès la première émission, et cette affaire-là. Et en ce qui me concerne, si vous voulez, Flaubert a été une étape fondamentale dans mon parcours de lectrice, mais aussi un verrou que j'ai mis très très longtemps ben ouais. à faire sauter dans ce que je vais appeler mon parcours de travailleuse du verbe. Je préfère l'expression travailleuse du verbe. Au mot écrivain, voilà. Écrivaine, c'est vrai ? Voilà. Mais alors, rappelez-nous cette phrase, où il y a le mot « cependant ». Donc, il resta fidèle à sa maîtresse, qui, cependant, n'était pas une personne agréable. Et alors, pourquoi il y a tout Flaubert dans ce mot-là ? Parce que il y a toutes les contradictions de Flaubert. Vous voyez ? Flaubert, au fond, habite dans le « cependant ». Flaubert est un homme profondément et définitivement éperdu de sa solitude, et pour toujours déchiré par sa tendresse, par sa formidable capacité à aimer, qu'il va en partie déployer dans la sphère familiale. Et ça se sent très très bien dans la correspondance avec George Sand notamment. Mm-hmm. Il dit à la fin de sa vie, il dira à George Sand, il lui écrira que il y a été fait allusion mardi, je crois. Hein, il lui écrira que il s'est peut-être trompé dans la vie, il a peut-être fait les mauvais choix. Oui. Parce voilà. que l'opposition entre George Sand et Gustave Flaubert, oui. pour ceux qui n'ont pas l'émission de mardi en tête, où on oui. parlait de cette correspondance entre Sand et Flaubert, oui. c'est précisément, pour le dire schématiquement, mais ça correspond à la réalité, que Flaubert reproche à Sand d'être du côté du sentiment, du côté de ce qu'il appelle la littérature féminine, du romantisme, quand lui veut, il est du côté de l'art pur, c'est-à-dire il est du côté du style, qu'il ne dissocie pas du fond, mais il veut laisser le moi, la personne, les sentiments de côté. Et à la fin de sa vie, en effet, il semble dire, mais peut-être qu'en fait, je me suis trompée, peut-être que moi aussi, j'aurais adoré avoir des petites filles à qui faire des câlins, etc. Exactement. Hein. Ce que vous me dites de vos chères petites m'a remué jusqu'au fond de l'âme. Pourquoi n'ai-je pas cela ? J'étais née avec toutes les tendresses. Il est là le mot, hein, pourtant. Mais on ne fait pas sa vie, on la subit. J'ai été lâche dans ma jeunesse. J'ai eu peur de la vie. Tout se paie. Février 1874. C'est terrible cet aveu. Terrible, c'est absolument terrible. Et il écrivait à son ami Chevalier, vous savez, enfin... Quand Ernest Chevalier. Ses amis font une vie, c'est-à-dire se marient, entrent dans des carrières. Hein, et à ce moment-là, il leur écrit des lettres déchirées, déchirantes, enfin, il est comme un amoureux trahi. Et à Ernest Chevalier, il écrit, il me tarde de te devoir muni d'un Victor, d'un Adolphe ou d'un Arthur, qu'on appellera Toto, Dodof ou Tutur, qui sera habillé en artilleur et qui récitera des fables, Maître Corbeau sur un arbre perché. Voilà. Et n'oublions pas que lui élèvera sa nièce. Donc vous voyez, pour en terminer avec le cependant, j'aime le cependant parce qu'il tient dans l'équilibre de trois syllabes toutes les formidables contradictions qui vont faire de Gustave Flaubert ce qu'il est, l'écrivain qu'il est, l'homme qu'il est. Je dis qu'il est un colosse sentimental. D'où l'importance de lire sa correspondance, parce que c'est là qu'apparaît cette dimension sentimentale. Oui, oui. Ah, bien entendu, bien entendu. Les œuvres, c'est la face émergée de l'iceberg. Et la correspondance, qui est énorme, dans laquelle on peut se perdre... Hein, heureusement, il en existe des éditions, vous voyez, la correspondance de George Sand d'un côté, etc. Bon, parce que les 5 volumes de la Pléiade, c'est quand même étourdissant. Non, il y a beaucoup d'éditions, pas justement. Voilà, voilà, et ça permet d'y entrer. Et pour ceux et celles qui ont parfois du mal, de mauvais souvenirs scolaires de Madame Bovary, passer par là. par exemple, hein, ou de l'éducation sentimentale, eh bien, les lettres sont, je trouve, d'un accès extrêmement immédiat, beaucoup plus souple. Ah oui, je vous suis absolument. Et puis c'est une lecture extraordinaire, les lettres de Flaubert. Oui. Alors vous avez choisi ce matin, Marie-Hélène Lafont, de parler des lettres que Flaubert a envoyées à sa famille, mais pas n'importe quelle famille. Et vous le dites bien dans votre livre, finalement, dans la famille Flaubert, vous demandez la mère, la sœur, la nièce. Enfin, il demande la mère, la sœur, la nièce, mais pas le frère, pas les Achille, pas son père. En fait, c'est la correspondance avec les personnes féminines de sa famille qui vous intéresse. Pourquoi ? Oui. Alors, bon... Le père, la relation avec son père est tout à fait passionnante. Mais Donc, il était chirurgien à Rouen, voilà. Il meurt assez jeune. Voilà, oui, le père meurt deux mois avant la sœur, ouais. Pendant la terrible année 1846. Le père meurt d'un abcès à la cuisse que le fils aîné Achille, prénommé comme le père et qui prendra sa succession, ne parvient pas à soigner. Mmh. Et donc le père meurt relativement jeune. Gustave et son père, c'est tout de même compliqué pour une raison extrêmement simple, si je puis dire, à savoir que son père, chirurgien, homme qui a fait une très belle carrière de chirurgien et homme qui a amassé beaucoup d'argent aussi, ce qui aura beaucoup d'importance dans la vie de Gustave Flaubert, parce que ça lui permettra de vivre des rentes léguées par son père. Et donc d'écrire. Ce qui n'est quand même pas rien. Ouais. Mais c'est pas comme ça que Monsieur Flaubert père voyait les choses. Il avait un fils aîné qui donc prendrait sa succession, et il avait ce fils cadet, trois enfants morts en bas âge entre les deux, 8 ans de différence entre les deux, et trois enfants morts en bas âge, entre Achille le frère aîné et Gustave. Gustave vient après trois enfants morts. Absolument, en bas âge, Gustave s'est accroché, il a tenu. Bon, donc Gustave arrive, et Gustave, on va lui faire faire son droit bien entendu. Ah ben, c'est une catastrophe. Et on sait très très bien que à l'âge de 22 ans, donc en janvier 1844, Gustave va faire cette providentielle crise nerveuse qui va lui permettre d'échapper au droit. D'ailleurs, il le dit dans le dictionnaire des idées reçues, nerveux se dit chaque fois qu'on ne comprend rien à une maladie. C'est pas faux. Il n'a jamais rien compris à sa maladie et il a pu commencer à devenir ce qu'il est devenu. Mais le père ne voyait pas ça d'un bon œil, évidemment. Et les choses eussent sans doute été très compliquées dans la suite de leur existence commune, si existence commune il y avait eu, le père meurt. Et ensuite, Gustave aura des relations distantes finalement avec son frère. Il a une belle-sœur, il a une nièce du côté de son frère, dont il est peu question. Oui. Et avec laquelle le lien n'est pas puissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de surcroît, la belle-sœur, prénommée Juliette, va au moment de la ruine... beaucoup plus tard dans la vie de Flaubert, au moment où la nièce, la fille de sa sœur et son mari feront de très mauvaises affaires et où il devra compromettre sa propre fortune pour sauver sa nièce, ce qu'il fera. Ben, à ce moment-là, heureusement, il ne le saura pas. Mais en fait, sa belle-sœur, c'est-à-dire la fille de son frère aîné, essaiera de lui arracher la maison de Croisset. Donc, on est là, vous voyez bien, dans une bonne famille bourgeoise, avec des cadavres dans les placards, des rivalités, des haines nourries, enfin, on imagine. Alors, moi, ces deux frères-là, bien entendu, Achille et Gustave, je ne peux pas m'empêcher de voir en miroir Marcel et Robert Proust. Ah, c'est fascinant, l'effet d'écho. Alors justement, toute la question est de savoir dans quelle mesure les aspects biographiques ont une influence sur l'œuvre littéraire. Et là, donc ça renvoie évidemment à la conversation entre Proust et Sainte-Beuve. Bon, je ne résiste pas au plaisir d'écouter une première lettre quand même. Hein, pour continuer cette discussion, Marie-Hélène Lafont, une lettre que Gustave Flaubert envoie à sa sœur Caroline Flaubert le 26 novembre 1842. Vous avez dit, Marie-Hélène Lafont, que Gustave devait étudier le droit à la demande de son père. Ça le désespère. Il déteste le droit et voici le type de lettre qu'il envoie à sa sœur pour se plaindre non seulement de ses études de droit, mais aussi, et c'est là où la correspondance est fascinante, surtout avec les membres de sa famille, de se plaindre finalement de sa vie qu'il juge ordinaire, ce qui est pour lui presque la pire des insultes. Vraiment, rien ne l'intéresse dans cette vie. Et en plus, il a une rage de dents. Samedi midi. Je m'attendais à avoir une lettre de vous ce matin. Rien. J'aurais pourtant besoin de consolation et de doléances. J'ai passé récemment deux nuits à marcher de long en large dans ma chambre, me tenant les mâchoires, jurant, pestant et pleurant presque. Enfin, hier matin, j'ai été trouver Toirac, qui a commencé par me dire que j'étais destiné à beaucoup souffrir des dents et qu'il est probable que je les perdrais de bonne heure. Il n'a pas voulu m'arracher de suite celle qui me faisait souffrir. Il m'en a brûlé une et mis dessus du nitrate d'argent. Dans quelques jours, j'irai le retrouver. Si je continue à en souffrir, il me les arrachera. Tout ça est bien commode quand on a à travailler. Pendant que je souffre, je me dépite du temps que ça me fait perdre. La douleur me reprend pendant que je suis en train et je suis obligé d'interrompre. Avec ça, je n'avance pas, je recule, j'ai tout à apprendre. Je ne sais où donner de la tête. J'ai envie d'envoyer faire foutre l'école de droit une bonne fois et de ne plus y remettre les pieds. Quelquefois, il m'en prend des sueurs froides à crever. Nom de Dieu, comme je m'amuse à Paris et l'agréable vie de jeune homme que j'y mène. Je ne vois personne, je ne vais nulle part. Ce n'est rien que de souffrir aux dents, et les larmes qui m'en viennent aux yeux dans les pires accès ne sont pas comparables aux spasmes atroce que me donne la charmante science que j'étudie. Quand, après avoir passé la journée partagée par ces deux sortes de plaisirs, 5 heures arrivent, je descends la rue de la Harpe et je vais dîner pour 30 sous avec du bœuf coriace, du vin aigre et de l'eau chauffée dans les carafes par le soleil. Après quoi, je vais à ma répétition de droit et rentre dans mon éternelle chambre pour recommencer de plus belle. Il me semble que je vis comme ça depuis 20 ans, que ça n'a pas eu de commencement et que ça n'aura jamais de fin. Je ne fume plus, à peine une pipe par jour. J'en suis tanné comme du reste. Amarre est les 3/4 de la semaine à la campagne. Ma seule distraction, c'est de temps à autre de me lever de ma chaise et d'aller regarder et ranger mes bottes dans mon armoire. Que ne suis-je né cheval ? Cheval de course, j'entends. Au moins, il a un groom pour le soigner et de la paille jusqu'au ventre. Adieu, bon rat, je t'embrasse de toute la fureur dont je me mange le sang. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de la correspondance de Flaubert cette semaine, ce matin, en compagnie de Marie-Hélène Lafon. Vous venez d'entendre la lettre que Flaubert écrit à sa sœur Caroline Flaubert le 26 novembre 1842. On a l'impression que c'est une personne confinée depuis un an. Exactement. Qui au quotidien. Vous vous rendez compte, je ne vois personne, je ne vais nulle part. Oui, c'est ça. Tout ce que je fais, c'est regarder mes bottes dans l'armoire et je me rassois. Et confinée dans le dictionnaire des idées reçues. Ah, il y a le mot confinée dans le dictionnaire des idées reçues. Vaccinée. Ah, vacciné. Vacciné, ouais. Dans le dictionnaire des idées reçues. Vacciné, j'y pense, à cause de ce que vous venez de dire. Vacciné. Ne fréquentez que des personnes vaccinées. Ah bah. C'est Pierre-Marc de Biasi qui dit qu'il avait un côté prophète, ce prophète. Voilà le prophète, oui. Donc le programme, je ne vois personne, je ne vais nulle part. Mais alors, qu'en est-il de cette réalité? Enfin, il est aussi touchant qu'agaçant. On va lui dire, ok, d'accord, est-ce que ta vie est si difficile que ça? Quelle est la part de posture? Il demande à être consolé, à être cajolé. Il voudrait être un cheval qu'on vient soigner. Oui. Il demande à retrouver le giron des femmes, c'est-à-dire le giron de sa mère, Anne, Caroline, Justine, hein. Donc Caroline aussi, la mère, hein. Ouais. Anne, Caroline, Justine, née Fleuriot, sa mère donc, et le giron de sa sœur, le giron de Julie, la servante, hein, qui sera le modèle de Félicité, dont nous parlions tout à l'heure. Il demande à retourner à la maison. Et d'ailleurs, il va finir par y retourner à la maison pour n'en plus jamais partir. Et oui, c'est ça. Voilà. Il vivra avec sa mère jusqu'au bout. Bien entendu. Et il vivra avec sa mère jusqu'au bout. Donc, il n'est pas le père, l'ombre du père passe dans cette lettre, hein, puisque c'est le père qui l'oblige. Voilà, hein. Mais c'est une injonction mâle et masculine à laquelle il va se dérober d'une certaine façon. Il va être dérobé, il va être arraché par la crise nerveuse. Alors, il va mener très péniblement, ça va durer 2 ans, hein, parce qu'il est bachelier à 20 ans, mais il ne part étudier son droit que 18 mois plus tard. Il y a une latence de 18 mois pendant laquelle il pantoufle gentiment dans le giron des femmes à Rouen. Et à Déville. Déville, c'est la maison de famille et de campagne des Flaubert avant qu'ils n'achètent Croisset. Croisset n'est acheté que l'année, très peu de temps avant la mort du père, en fait. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai le sentiment, et je trouve que c'est très présent dans toutes les lettres, que ce doux giron des femmes est le lieu où il peut exister, lui. C'est le seul lieu qui soit digne de son existence, les femmes de famille. Attention, parce que les autres femmes, on les tient à distance, voire Louise Collet. Hein. Tout à fait. Et c'est le seul endroit où il puisse exister et où il puisse, où il va pouvoir entrer en littérature. Mais c'est terrible de découvrir ça, parce que on a l'impression que c'est le portrait d'un enfant gâté qui n'arrive pas à couper le cordon. Eh bien, il y a aussi ça chez lui. C'est ce que j'entends par... C'est un nœud de contradiction. C'est même pas un nœud, c'est un volcan de contradiction, Gustave Flaubert. Hein. Donc, il y aura le voyage en Orient, il va s'arracher à sa mère pour le voyage en Orient, mais il reviendra, il revint, n'est-ce pas, comme il est dit dans l'éducation sentimentale, hein, et il ne repartira plus jamais. Ses voyages seront dans la littérature. Et en effet, il a aussi ce côté enfant gâté, choyé, et une forme d'égoïsme d'ailleurs, hein, je pense que cet égoïsme lui paraissait parfaitement excusable, ne devant même pas être excusé, puisqu'il était, là encore, la condition de l'art. C'est l'art qui sauve tout, hein, et lui c'est l'homme de l'art. Et difficile de lui donner tort quand on voit la postérité qu'il a eue, c'est ça le problème. Alors si vous voulez, justement, ce qui est très intéressant quand on lit la correspondance, c'est que très vite on est acculé, on ne lui donnera ni tort ni raison. On n'est pas là pour... on ne va pas le juger. On va jouir du langage. Mais alors, justement, vous qui écrivez beaucoup, Marie-Hélène Lafont, comment est-ce que vous percevez cette apparente contradiction entre la vie quotidienne d'un écrivain et le résultat, l'œuvre chez Flaubert? Les deux sont extrêmement distincts. Est-ce que ce n'est pas une illusion? Est-ce que finalement, on n'écrit pas jamais qu'avec ce qu'on vit aussi, y compris au quotidien, ce que Flaubert veut rejeter? Je pense que c'est une illusion. Hein. Mais dans le cas de Flaubert, il a vécu dans le luxe, si vous voulez, en quelque sorte, hein, de pouvoir... Il a craint de perdre ce luxe à la fin de sa vie à cause de la ruine de sa nièce et de son neveu. Il a quand même pu le garder, hein, jusqu'au bout. Hein. Et il a vécu dans le luxe de pouvoir scinder, justement, hein, sa vie pratique, voilà, en quelque sorte, hein, et son travail d'écriture. Si ce n'est que tous ses textes, l'éducation sentimentale, Madame Bovary, etc., respire sa peau, sa manière d'être au monde, sa vision du monde, etc. Ah, vous le voyez, vous, dans cet acte? Ça transpire partout. Il aurait détesté entendre ça. J'ai bien entendu, mais c'est là quand même. C'est là quand même. Alors, c'est là, dans la correspondance, plus que ailleurs. Et la correspondance fait partie de l'œuvre. Hein. Pierre-Marc Dubiasi le dit, et il a pleinement raison. Et moi, je me pose cette question pour toute la correspondance, hein. Et d'ailleurs, elle a été évoquée aussi dans les précédentes émissions. Que penserait, en effet, Flaubert que la publication de ses correspondances. Voilà, voilà. Qu'en penserait-il? Pour moi, elle fait pleinement partie de l'œuvre parce qu'elle est un geste de langue absolument faramineux. Voilà. Mais ça, c'est une question qui restera pour toujours irrésolue. Je ne peux pas m'empêcher de penser en même temps que Flaubert, étant ce qu'il est, savait pertinemment que sa correspondance serait publiée. Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Vous pensez qu'il sait très bien ce qu'il fait. Évidemment, évidemment. En tout cas, à l'époque, on conservait les correspondances. Voilà. Donc, il y a des mystères, hein. La correspondance avec son anglaise cachée, Juliette Herbert. Correspondance disparue. D'ailleurs, dans le perroquet de Flaubert, Julian Barnes, hein, met en scène un universitaire qui prétend l'avoir brûlée. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, hein. On a brûlé une grande partie. Flaubert et Maxime Ducamp ont brûlé une grande partie de leur correspondance de jeunesse. Bon, voilà. Hein. C'est beau d'ailleurs ces mystères autour des correspondances. Vous voyez, ces tunnels qui s'ouvrent comme ça dans les correspondances, ce qu'on ne verra jamais ou qui peut être caché. Il y en a peut-être dans un grenier quelque part au fin fond de la Charente-Maritime. Il y a peut-être une partie de la correspondance de Maxime Ducamp et de Gustave Flaubert. Ça rend la vie elle-même romanesque, disons, ce rapport aux correspondances. Oui, et en plus, ça assouvit une sorte de fantasme. On a envie de savoir comment Flaubert est devenu le grand écrivain qu'il était. On lit la correspondance ainsi quand même. On rentre dans les coulisses, l'atelier, on veut savoir comment il s'y prend. On la lit en voyeur. Hein. Toute correspondance se lit en voyeur aussi. Hein. On la lit comme un bon article de Paris Match aussi. Voilà. Et pourquoi pas, après tout? Et pourquoi pas, hein. À condition de ne pas juger. Qui serions-nous pour juger? Je n'ai pas de correspondance parce que nous avons beaucoup perdu en ingénuité depuis l'époque de Flaubert. Vous savez, Freud est passé par là, beaucoup de choses sont passées par là. On pouvait dire à peu près n'importe quoi. On pouvait faire le rôle de l'enfant, le rôle du plaignant, le rôle du mendiant, le rôle du père, le rôle... N'importe quel... Flaubert endosse ses rôles les uns après les autres dans sa correspondance. De nos jours, l'humanité littéraire a beaucoup cru en rouerie, en camouflage, etc. À l'époque de Flaubert, on pouvait écrire des lettres tout en sachant qu'on serait moqué à la réception. Il y a quelque chose qui m'est à moi incompréhensible dans la pratique épistolière telle que se faisait au siècle dernier. Enfin, je veux dire au 19e et même au 20e du temps de Proust ou de. Mais celles du 19e sont extraordinaires. Marie-Hélène Lafont, vous dites que vous avez deux patrons en littérature. Le premier, c'est Gustave Flaubert. Le second, nous venons de l'entendre. Oui. Qui était-ce? Pierre Michon. Qui affirme que la correspondance, c'est peut-être une chose du passé, au fond. C'est ce qu'il dit, hein. On a le téléphone aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, mais on ne gardera jamais de traces de la conversation. Oui. Quid des mails? Quid des messageries électroniques? Et de toutes les archives qui s'y trouvent dessus? Ouais. Et du fait qu'on ne les maîtrise pas, celles-là non plus, hein. On croit les maîtriser, on croit, etc. Mais en fait, les arcanes numériques sont quand même... Non, mais est-ce qu'on écrit des mails comme Flaubert écrivait des lettres? Ah, ben je ne suis pas certaine du tout que certains, chez certains écrivains, il n'y ait pas quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez? Avec l'immédiateté de la chose, etc. À mon avis, il y aura du grain à moudre dans 50 ans pour les exégètes qui seront, encore une fois, tout à fait capables de, voilà, de se glisser dans les arcanes numériques. Et ce que dit Pierre Michon sur le fait qu'il pense que le XXe siècle a beaucoup gagné en rouerie, ouais. J'en suis pas certaine, moi. Hein. Quand on lit les correspondances, alors celles de Flaubert, ou quand on voit du côté de Proust aussi ce qui se passe, je ne suis pas du tout certaine que le milieu. Pour le coup, là, c'est un point sur lequel je ne suivrai pas Pierre Michon, alors que je le suis les yeux fermés. Il est le patron en littérature, vivante en tout cas. Mais je ne suis pas du tout certaine que le 19e siècle n'ait pas été aussi... il suffit de voir le journal des frères Goncourt, hein, n'ait pas été aussi fécond en rouerie. Le mot est joli. Hein. Oui, les Goncourt étaient maîtres en Flaubert, la matière. Flaubert les fréquentait puissamment. Oui. Hein. Et parmi les contradictions de Flaubert, la moindre n'est pas qu'il a été à la fois l'ermite de Croisset, comme on dit. Hein. Ce que Michon, d'ailleurs, discute gentiment en disant qu'en fait, Flaubert s'est fait passer toute sa vie pour un travailleur de force, mais que probablement il faisait à peu près rien, et que comme il était très très doué de temps en temps, il n'avait qu'à monter dans son cabinet pour écrire une phrase impeccable. Hein. Il ne s'est monté dans son cagibi, y est écrit quelques phrases parfaites qui lui venaient tout naturellement. Voilà ce que dit Michon, hein, sur Flaubert dans Corps du roi. C'est un très court texte, hein, et il détruit complètement le mythe de Flaubert, travailleur acharné. Beaucoup d'élégance. Bon, c'est une question complexe, mais Flaubert était à la fois l'ermite de Croisset et l'homme des dynémanies, quand même, hein, et le familier de la princesse Mathilde. Hein. Il a eu un côté mondain après la parution de Madame Bovary. Il a partagé son temps entre Croisset et Paris. Vous voyez les contradictions. Toutes ces contradictions ont fait l'œuvre. Et l'œuvre. Voilà, mais c'est ça qui est difficile à saisir. C'est jusqu'où est-ce qu'on peut distinguer la vie de l'œuvre? C'est l'éternelle question, au fond. Mais il y a une intrication. Flaubert a voulu les séparer résolument. Mais on ne peut pas. Mais en fait, et d'ailleurs, le fait qu'on parle autant de cette correspondance, qu'elle soit si géniale à lire, montre bien que c'est peut-être illusoire. On ne peut pas les distinguer. Elles sont intriquées définitivement. Et pourquoi pas? Mais alors que faire de cette citation de Ionesco qui a ouvert cette émission, qui dit mais la bonne littérature, enfin le bien d'écrire, dit-il, c'est pas ce qu'on dit, c'est comment on le dit. Ça semble aller vers une conception très formaliste de la littérature qu'on associe souvent à Flaubert. Alors vous vous dites finalement non, ce serait faux. Mais je dis que le travail du verbe, ouais. Flaubert est un travailleur du verbe, un travailleur de force du verbe. Il se fait avec la matière même de la vie. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. L'écriture, ce serait une mise en forme du chaos du monde. Mise en forme dynamique. Je n'ai pas dit mise en ordre. J'ai dit mise en forme dynamique du chaos du monde. Ça serait ça, l'écriture. Ça serait ériger la phrase, hein, en une sorte d'élan dynamique qui donne sens au monde. Et la matière du monde, ben, ça n'est rien moins que les travaux et les jours, que Flaubert qui a mal aux dents. Que le désir éperdu des femmes que Flaubert a ruminé toute sa vie, beaucoup à distance, quand il jouait les ermites à Croisset. Et on a la chaussure de Louise Collet dans la lettre du 4 août, hein, la pantoufle de Louise Collet qu'il a emportée de Paris, qui est sur son bureau. Qu'il renifle. Et qu'il renifle, quand même. Hein, et dans Madame Bovary, quand Madame Bovary arrive à l'auberge du Lion d'Or, que fait-elle? Elle tend à la flamme, hein, qui rôtit les poulets dans la cheminée énorme de l'auberge du Lion d'Or. Elle tend à la flamme en soulevant légèrement, en remontant légèrement sa robe, hein, son pied chaussé d'une fine bottine. C'est le même geste, c'est le même désir. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Flaubert se serait moqué de nous? Parce que Flaubert a paralysé des générations d'écrivains en faisant croire que pour écrire, eh ben, il fallait les vivre seuls, sans amour, sans amis, dans sa chambre, travailler toute la journée. Vous le dites vous-même, quand j'écris, je peux pas lire Flaubert, parce que c'est paralysant tellement il est exigeant. Au fond, si tout ça, c'est du flan, c'est une posture, mais alors, du coup, on est passé à côté de quelque chose de très important. Non. Enfin, c'est rassurant, hein, mais ça veut dire quand même qu'il y a une posture qui est, oui, encore une fois, qui est assez handicapante pour quiconque veut s'essayer à l'écriture. Eh bien, les handicaps sont faits pour être surmontés. Oui, dit comme ça c'est sûr. Deuxième lettre. Bien placé pour savoir que ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Bah oui. Et il faut beaucoup de désir. Le désir et la nécessité. Mais vous, il vous a encouragé à écrire Flaubert ou il vous a empêché d'écrire? Bah voilà. Non, pendant très très longtemps. Et pendant très longtemps, je suis restée au bord et j'allais dire en même temps, mais on ne peut plus dire en même temps. Et cependant, la ligne d'horizon vers laquelle toujours j'ai le sentiment d'aller et qui toujours se dérobe, c'est un cœur simple. Donc vous voyez, à la fois un Flaubert ou un Michon, ça empêche et en même temps ça accule à l'écriture. Les deux à la fois. Et où vous trouvez en vous le moteur qui vous fait dépasser ces obstacles? Je vous dis, c'est à l'intersection du désir et de la nécessité. C'est une constante mise à l'épreuve de l'être. Une mise à l'espalier de l'être. Si l'écriture, vous savez, si c'était uniquement de la jubilation et de la jouissance, ça se saurait. Hein, et tout le monde exulterait à 100 000%. Hein. C'est aussi une mise en tension de soi. Jubilation et mise en tension. Vertige jubilatoire. Deuxième lettre de Flaubert, cette fois-ci à sa mère. C'est 5 ans après le décès de sa sœur, Caroline, qui l'adorait. Hein, vous l'avez entendu, la lettre, il l'appelle mon petit rat, il l'adore. Et elle meurt très jeune. En couche, exactement, en accouchant de sa fille Caroline elle-même, que donc Flaubert va élever avec sa propre mère. Voilà. Il s'investit énormément dans ce rôle familial. Et ici, lors d'un voyage en 1851, il est à Athènes et il fait part à sa mère de la difficulté de vivre et de se souvenir, de vivre le deuil de sa sœur et de se souvenir de ce qu'elle était. Écoutez cette magnifique lettre et le ton beaucoup plus mélancolique qu'emploie Flaubert ici. Tu parles de souvenirs et de choses passées. Sais-tu aujourd'hui à quoi j'ai pensé? Au long après-midi d'été que nous avons passé tous les trois dans l'auberge de la mère Leblon, à Pont-Audemer. Comme il faisait chaud, comme il y avait des mouches. J'entends encore les grelots des chevaux de roulier qui étaient dans l'arrière-cour pleine de poussière. Je suis comme toi, je n'oublie rien. Je rêve souvent de tes villes. Le souvenir de mon pauvre rat ne me quitte pas. J'ai toujours à son endroit une place vide au cœur et que rien ne comble. Charmante et bonne créature. Nous nous touchons aussi, Eva, et de bien près, par notre humiliation commune, l'avoir donnée à cet homme si vulgaire, depuis la botte jusqu'au chapeau. J'ai cruellement ragé ce jour que dans le marais de Deauville, l'eau flaquait dans ses claques et bavachait par-dessus ses sous-pieds. On a beau voyager, voir des paysages et des tronçons de colonnes. Cela n'égaye pas. On vit dans une torpeur parfumée, dans une sorte d'état somnolent, où il vous passe sous les yeux des changements de décor, et à l'oreille, des mélodies subites, bruit du vent, roulement des torrents, clochette des troupeaux. Mais on n'est pas gai. On rêvasse trop pour cela. Rien ne dispose plus au silence et à la paresse. Tout cela mûrit et vieillit, sans parler du physique. Car attends-toi à me retrouver aux trois quarts chauve, avec une mine culottée, beaucoup de barbe et de ventre. Décidément, j'en l'ai dit. J'en suis affligé. Ah, je ne suis plus ce magnifique jouvencel d'il y a 10 ans. Dans 11 mois, j'aurai 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de raison. Je n'en ai guère pourtant. Depuis qu'il est né, Flaubert se sent vieux. Hein, quand on lit sa correspondance, Marie-Hélène Lafont. C'est vrai, c'est très vrai. C'est un vieillard, à lui-même, en permanence. Le corps est toujours un problème. Mm-hmm. Alors que les invités cette semaine l'ont bien dit, il était apparemment d'une beauté stupéfiante, grand, magnifique. Mais lui, vous avez entendu, il se vit vieux, aux trois quarts chauve, une culottée de la barbe. Destiné à perdre ses dents très tôt. Voilà, en plus, édenté. Donc il a vraiment un rapport sans doute de haine de lui-même. En tout cas, le corps est un problème. Mais ici, c'est à travers il a l'excuse quand même du deuil pour se sentir si mal. Je dis excuse parce que dans sa correspondance, y compris lorsqu'il est sincèrement triste, on ne peut pas s'empêcher de voir une forme de posture. Peut-être ne s'est-il pas existé autrement qu'en mettant en mots et en donnant la voix à certains sentiments en lui qui amplifient ce sentiment et qui peut-être font perdre le rapport premier à la tristesse. Qu'en pensez-vous ? Alors je crois que le rapport premier à la tristesse... il s'enracine là tout de même, hein, c'est-à-dire dans la mort de la sœur. Janvier-mars 46, le père d'abord, hein, l'abcès à la cuisse, etc. La sœur, la nièce naît 6 jours après la mort du père, et la sœur va mettre 2 mois à mourir. Hein. Elle meurt en mars. Et ça, c'est une scène fondatrice dans la vie de Flaubert. Il avait probablement, avant cet âge-là, une propension à prendre la pose, un peu romantique d'ailleurs, hein, que vous venez de décrire. Mais là, j'ai presque envie de dire que le sort lui donne raison. C'est-à-dire, la mort plante ses crocs dans la viande de Flaubert et ne le lâchera plus jamais, parce que la sœur est morte pour toujours. Hein. Et la configuration familiale va se réorganiser avec la mère autour de la fillette, qui, elle, est là et dont il faut s'occuper. On va écarter le père. Hein. L'homme si vulgaire de la botte jusqu'au chapeau, c'est le père de la fillette. Elle a un père, cette fillette. Mmh. On va l'écarter. Flaubert et sa mère vont mener toutes sortes de manœuvres pour écarter ce père. Bon, manifestement un peu égaré, mais cependant désireux de s'occuper de sa fille. Et vont donc composer cette sorte de cellule familiale. Et le noyau de la cellule familiale, c'est le trou noir de la mort de la sœur. Mais il sait qu'elle va mourir. Il y a une phrase où il dit « Ma sœur est enceinte, elle a mal au rein, elle est déjà enceinte de sa mort. » Enfin, il y a quelque chose d'assez dingue. Oui, alors, c'est-à-dire que la mort en couche à cette époque-là, c'était quand même très, très courant. Hein. Et au fond, il ne peut pas m'empêcher de penser que dans cette famille, on n'a pas pu sauver le père qui est mort d'un abcès à la cuisse alors qu'il était grand chirurgien. Il y a, en tout cas, chez Flaubert, une angoisse forte, en effet, de la perte de sa sœur. Voilà, dans des circonstances qui étaient banales, mais qui étaient justement malheureusement souvent tragiques. Hein. Voilà, y compris dans ces milieux-là. Hein. On frémit quand même quand on pense que Flaubert a du mal à soigner ses dents, alors qu'il est ce qu'il est et qu'il a l'ascendance qu'il a. Vous voyez, on imagine ce que ça pouvait être dans les d'autres couches de la société. Hein. Bon, donc je crois que la mort de la sœur inscrit un destin. Dans la trajectoire de Flaubert. Et il parlera beaucoup plus tard avec Georges Sand des nécropoles que chacun porte en soi. Voilà. Eh bien, les nécropoles commencent à être peuplées. Là, hein, Flaubert, en 46, il a 25 ans. Et il fait mouler la main de sa sœur, il garde son châle. C'est lui le gardien du temple. C'est lui qui garde les reliques. C'est aussi pour ça qu'on éloigne le mari, d'ailleurs. Le veuf, il est veuf. On ne veut pas le voir. Le deuil ne se partage pas. C'est une affaire de famille. Voilà. Comme sera l'éducation de Caroline. La petite Caroline, d'ailleurs, la fillette, sera infiniment aimée. Et on entendra dans les échos de la correspondance ces joies de famille, simples, partagées, dont dans les lettres entre Gustave et sa sœur, on a aussi des échos. Cette sœur de Gustave, elle avait 3 ans de moins que lui, elle a été la compagne de tous ses jeux d'enfance. Ils ont beaucoup ri. Elle dit que quand il s'en va faire son droit, la maison est horriblement triste. On a les lettres de cette Caroline dans le premier volume de la Pléiade. Elles sont merveilleuses, ces lettres, de fraîcheur, de joie partagée. Il ne faut pas du tout imaginer la vie de famille de Flaubert, vous voyez, quelque chose de compassé, de raide. On riait beaucoup. D'ailleurs, Flaubert avait un rire homérique. C'est dans le dictionnaire des idées reçues, dont Georges Sand ou Tourgueniev avaient les oreilles rebattues après quelque temps partagé avec lui. Donc, encore une fois, les contradictions, c'est-à-dire le rire homérique, le goût de la joie, le goût du bonheur, nager dans la Seine, exulter de tout son corps et la mort plantée dans la viande depuis toujours. Et ça, on le trouve très tôt dans sa correspondance, dès ses premières lettres, enfin, celle, moi j'ai travaillé avec l'édition en poche, hein, pas en Pléiade, mais on trouve quand même peut-être une sorte de medley assez représentatif de ses correspondances. On trouve très vite la manière qu'il a de parler de cette contradiction, des pages où il dit « mais je suis mort à moi-même, je ne suis pas dans la vie telle que je vois que vous l'êtes », dit-il à ses amis. Et en même temps, des pages où effectivement il parle de jouissance d'écrire, mais des jouissances d'exister. Oui, il exulte aussi à faire partie de ce monde qu'il adore et dans lequel il n'inscrit aucune hiérarchie entre l'être humain, les animaux, les plantes. Et là où je vous rejoins sur la posture, c'est que vous voyez, lorsque... dans un état de somnolence, on voit des paysages, cela n'égaye pas, etc. Là, il y a, à mon sens, un peu de posture, justement. Parce que cela a dû profondément l'égayer, profondément l'empoigner. Il est empoigné par le monde, Flaubert. Sinon, il n'écrirait pas ce qu'il a écrit. À commencer par, même si c'est un des derniers textes, Un cœur simple. Il faut être empoigné par le monde pour écrire Un cœur simple. Donc, peut-être est-il plus prisonnier de la posture romantique qu'il ne veut l'admettre. Que pour pouvoir écrire, il faut être malheureux. À mon sens, dans la correspondance, on peut en effet suivre cette piste-là. Ouais. Oui. Même si, bien sûr, il ne voudrait pas l'entendre. Non. Pourquoi appelle-t-il sa sœur mon rat, mon petit rat ? On sait pourquoi ? Il a comment dire, les termes désignant les animaux reviennent très très souvent. Oui, mais mon rat, c'est pas l'image qu'on se fait d'un petit nom affectif. Oui, mais je crois qu'il y a ce côté, comment dire, un peu cette provocation, un peu. Vous voyez, donc c'est pas ma chatoune, etc. C'est mon rat, c'est-à-dire ce qui peut être un peu répulsif, mais lui, il adore. Il va, quoi. Il adore, voilà. Hein. Et il l'appelle aussi bichet, biquet. Hein, et on trouvera ensuite pour la nièce des termes quand même assez voisins, bichon, bichet, bichon, Liline, loulou, bibi. Hein, mais le rat restera l'apanage de la sœur. Alors on va entendre une troisième et dernière lettre, puisqu'il nous reste 10 minutes, une lettre à sa nièce justement dans Caroline, Commanville. Et cette lettre est vraiment passionnante parce qu'on y voit le rôle que Flaubert s'attribue dans le mariage de sa nièce. C'est lui qui va décider, c'est à la fois le père, peut-être même le mari, en tout cas il joue tous les rôles. Et là encore, ça tranche tellement avec l'image que l'on se fait de Flaubert seul dans son bureau, enfin l'image qu'il donne de lui-même dans sa correspondance, à regarder la pluie qui tombe et à souffrir de ses dents ou de ses cheveux et de sa difficulté à écrire. En fait, il est extrêmement impliqué dans la vie de sa nièce. Et écoutez la tendresse, l'investissement et l'intérêt qu'il porte à cette question du mariage de sa nièce. Mercredi, 3h. Mon bibi, maintenant, causons de la grande affaire. Eh bien, ma pauvre Caro, tu es toujours dans la même incertitude. Et peut-être que maintenant, après une troisième entrevue, tu n'en es pas plus avancée. C'est une décision si grave à prendre que je serais exactement dans le même état si j'étais dans ta jolie peau. Vois, réfléchis, tâte bien ta personne tout entière, cœur et âme, pour voir si le monsieur comporte en lui des chances de bonheur. La vie humaine se nourrit d'autre chose que d'idées poétiques et de sentiments exaltés. Mais d'autre part, si l'existence bourgeoise vous fait crever d'ennui, à quoi se résoudre? Ta pauvre vieille grand-mère désire te marier par la peur où elle est de te laisser toute seule. Et moi aussi, ma chère Caro, je voudrais te voir unie à un honnête garçon qui te rendrait aussi heureuse que possible. Quand je t'ai vue l'autre soir, pleurer si abondamment, ta désolation me fendait le cœur. Nous t'aimons bien, mon bibi, et le jour de ton mariage ne sera pas un jour gai pour tes deux vieux compagnons. Bien que je sois naturellement peu jaloux, le coco qui deviendra ton époux, quel qu'il soit, me déplaira tout d'abord. Mais là n'est pas la question. Je lui pardonnerai plus tard et je l'aimerai, je le chérirai s'il te rend heureuse. Je n'ai donc pas même l'apparence d'un conseil à te donner. Ce qui plaide pour M. Commanville, c'est la façon dont il s'y est pris. De plus, on connaît son caractère, ses origines et ses attaches, chose presque impossible à savoir dans un milieu parisien. Tu pourrais peut-être ici trouver des gens plus brillants, mais l'esprit, l'agrément et le partage presque exclusif des bohèmes. Or, ma pauvre nièce, mariée à un homme pauvre, est une idée tellement atroce que je ne m'y arrête pas une minute. Oui, ma chérie, je déclare que j'aimerais mieux te voir épouser un épicier millionnaire qu'un grand homme indigent. car le grand homme aurait, outre sa misère, des brutalités et des tyrannies à te rendre folle ou idiote de souffrance. Ne fais rien à la hâte, et quoi qu'il advienne, mon pauvre loulou, compte sur la tendresse de ton vieil oncle qui t'embrasse. Gustave Flaubert, soigne bien ta bonne maman, embrasse-la pour moi. Écris-moi de longues lettres avec beaucoup de détails. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Pour qui se prend-il? On a envie de dire Marie-Hélène Lafont quand même. Ses jugements à l'emporte-pièce, allez-y. Vous savez quelle réponse la dite Caroline... Bibi? Oui. Donc, elle répond son oncle. Et elle répond notamment à cette affaire, c'est-à-dire lorsqu'il dit... Le jour de ton mariage ne sera pas un jour gai pour tes deux vieux compagnons. Ouais. Le trio des origines, c'est-à-dire le giron, la mère, la sœur Caroline, lui, Gustave. Le trio qui a accompagné toute sa vie, la mère, la nièce, lui, Gustave. Le trio est menacé par le mariage. Mais le trio peut se reconstituer. Que lui répond-elle? Tu aurais chez moi une chambre avec de grands fauteuils comme tu les aimes. C'est quand même magnifique. Elle connaît son oncle très très bien. Et par ailleurs, pour mieux comprendre cette lettre, il y a aussi un détail. Vous savez ce que voudrait bien la nièce en question? Elle voudrait se marier avec un Parisien. En fait, elle voudrait habiter Paris. Et si elle épouse Monsieur Commanville, qu'elle épousera, ouais. Eh ben, elle n'habitera jamais que Rouen, voire pire. Voilà. Et c'est aussi un enjeu. Hein. Bon, alors évidemment, là, Flaubert est sur le versant bourgeois de son existence. Voilà. Flaubert est à la fois un homme d'une profonde liberté et en même temps c'est un bourgeois. Il a vécu de ses rentes toute sa vie et il veut que sa nièce, absolument éviter que sa nièce épouse un homme pauvre. Vous avez entendu la récurrence de l'adjectif pauvre dans cette phrase terrible. Ah oui, puis alors je déclare que j'aimerais mieux te voir épouser un épicier millionnaire, voilà, qu'un grand homme indigent. Ma pauvre nièce mariée à un homme pauvre est une idée tellement atroce. Le pire étant, évidemment, il prête son propre piège, c'est que le Commanville en question va faire de mauvaises affaires et risquera la faillite. Flaubert lui-même. Et c'est Flaubert qui va le sauver de la faillite, vous voyez. Donc, son amour pour sa nièce, en tout cas, hein, est immense. Immense. Et la complicité qu'il aura avec elle ne se démentira jamais. Hein. La nièce en question deviendra veuve du fameux Commanville, mais elle n'en divorcera pas. Hein. Elle en deviendra veuve, n'aura pas d'enfant, se remariera pour un mariage très heureux et mourra à Nice en 1931. C'est un personnage, la nièce de Flaubert. Hein. La dite Caroline, on n'a pas été impunément élevé par Flaubert. Donc, il y a une trace, une présence de l'oncle très très forte chez la nièce. Hein. Mais ce côté notaire de province, de Flaubert, hein, qui veut que les intérêts de la famille soient défendus, on prend des renseignements, etc. Hein. C'est pas le côté le plus sympathique. Mais non, mais surtout, hein. Ce faisant, il ressemble exactement au personnage qu'il dépeint en les décriant. Bien entendu. Et puis encore, non seulement il ressemble au personnage. Ça pourrait être un personnage de Madame Bovary, ce mais qu'il totalement, fait là. Totalement. C'est ça, il a un côté Homais là-dedans, ou ouais. Maître Guillaumin, hein, ou tous ces avoués véreux qui finissent par s'en aller. Voire dans Un cœur simple. Hein. Madame Aubin est en partie ruinée par l'avoué qui s'en va avec une partie de sa fortune, enfin de sa mince fortune. Mais surtout, en plus, il recommence la même chose qu'avec la sœur. Hein. C'est le même processus. On donne les filles. Et on les donne à un homme qui semble présenter toutes les garanties. Amar était un ami d'enfance. Émile Amar, le mari de la sœur, il semblait présenter toutes les garanties. Mmh. Eh bien, même chose. Commanville, il a l'air stable, il a l'air solide. Hein. Bon, c'est un brave garçon. Voilà, hein. Un homme qui pourrait te rendre heureuse, voilà. Enfin, évidemment, tout ça sonne à l'époque à laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout ça sonne étrangement, oui. Hein. Mais en tout cas, le côté bourgeois raciste de Flaubert, qui fait partie de Flaubert, apparaît là de façon éclatante. C'est aussi ça la correspondance. C'est les coulisses de l'existence avec tout ce que ça implique. Hein. Et miséricorde au bon Gustave. On peut lui donner notre bénédiction. Un dernier mot quand même, c'est sur cette citation. On n'a pas entendu la lettre dont elle est extraite, mais elle semble résumer l'ambivalence de Flaubert. Hein. Il écrit « La banalité de la vie est à faire vomir de tristesse quand on la considère de près D'un côté, c'est une phrase qui n'étonne pas quand on croit connaître Flaubert, qui justement veut tout faire pour s'en détacher de cette vie ordinaire et que c'est dans la littérature qu'il va trouver sa raison d'exister. De l'autre, eh bien, quand on voit à quel point il est impliqué dans les soucis mais ménagers, domestiques, on se dit, bah non, là encore posture. En fait, il y a toute l'ambivalence dans cette phrase. Toute l'ambivalence. Hein. Quand il écrit à sa mère pendant le voyage en Orient, il est dans l'exaltation du voyage, il est déjà dans le... Il a déjà écrit, il va se mettre à la Bovary en rentrant, hein, et dans la même lettre, il demande à sa mère de lui apporter ses rasoirs, hein, et des tricots de corps. Dans la même lettre, hein, et il dit à sa mère d'être bien raisonnable, elle va le rejoindre en avril, le voyage en Orient avec Maxime Ducamp, un an et demi de voyage, va s'achever par des retrouvailles émues avec sa mère, qui va le rejoindre à plus de 50 ans, se lançant sur les routes, pour rejoindre le fils, à plus de 50 ans. Alors qu'il est amoureux de Louise Collet, à ce moment-là, en plus. Voilà, ils sont en rupture provisoire, mais les affaires avec Louise vont reprendre au retour du voyage en Orient. Et il appelle sa mère, hein, avec des lettres d'une tendresse inouïe, hein, je conseille vivement d'aller les lire, et il dit à sa mère de se faire une petite pelisse en fourrure, hein, pour se tenir chaud, vous voyez. Donc voilà, la présence du corps, hein, la caresse du corps de la mère par la pelisse interposée, hein, ça fait partie du métier de vivre. Tout fait partie du métier de vivre, et tout fait ventre pour la littérature, tout. Pour l'écriture, voyez, la banalité est à vomir. Hein. Eh bien, vomir, c'est écrire. Bah, ce sera non pas la conclusion, ce sera pas être fidèle à Flaubert de parler de conclusion, mais les mots de la fin, vomir, c'est écrire. Très bien, Marie-Hélène Lafont, je note et je méditerai. On peut lire de vous, eh bien, les pages choisies de Flaubert que vous avez publiées aux éditions Buchet-Chastel et dont je recommande vraiment vivement la lecture. C'est un vrai plaisir de lecture. On peut lire l'histoire du fils également. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci beaucoup de nous avoir donné envie de lire Flaubert ce matin. On se quitte avec l'hommage que le chanteur Arthur Ashe a écrit et chanté pour Salambo, justement, l'œuvre de Flaubert. Une terreur sans nom glaça les barbares. Ils ne tentèrent même pas de s'enfuir, déjà ils se trouvaient enveloppés. Les éléphants entrèrent dans cette masse d'hommes et des lances de leur défense la retournaient comme des socs de charrue. Ils semblaient des volcans en marche. Furieux était conduit par un humide, couronné d'un diadème de plumes. Il lançait des javelots avec une vitesse effrayante, tout en jetant par intervalle un long sifflement aigu. Cercle peu à peu rétrécissait, les barbares affaiblis ne résistaient plus. Bientôt les éléphants furent au centre de la plaine, l'espace leur manquait. Ils se tassaient à demi cabrés, les ivoires s'entrechoquaient. Sur France Culture, les ivoires s'entrechoquent grâce à Arthur Ashe et Salambo de Flaubert. Quelle meilleure ambiance pour accueillir la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle, il faut que je relise Salambo. oui, alors pas tout de suite, après la chronique, parce que là ça va vous prendre un petit peu de temps. Et surtout que votre question aujourd'hui est assez intrigante. La question du jour, la voici donc. L'appli SNCF est-elle la nouvelle maison qui rend fou? Alors, La maison qui rend fou, pour ceux qui ne voient pas, c'est une séquence géniale du film Les 12 travaux d'Astérix qui raconte les aventures de notre Gaulois à travers un immeuble de l'administration romaine à la recherche du formulaire A38, satire géniale du monde de la bureaucratie. Je dois cependant préciser, avant qu'on m'accuse de tirer sur l'ambulance des services publics, que l'un des premiers travaux que j'ai exercé a consisté à ranger des feuilles d'impôts dans une administration lavalloise et que, contrairement aux clichés encore trop répandus, tout est très bien organisé là-bas, une couleur par année, des armoires rangées par commune, des classeurs bien tenus. J'ai bizarrement adoré ce travail, j'ai été parfaitement heureux pendant ces 2 mois passés dans la maison qui rend soi-disant fou, et c'est, je crois, tout le problème. Vous voulez dire que le fait que les administrations soient bien tenues, c'est pour vous un problème ? Bah oui, parce que bien tenu, c'est incontestable, obéissant scrupuleusement à leur logique interne qu'on m'avait enseignée. Et de fait, j'étais de l'autre côté plutôt que de celui de l'usager. L'usager qui s'en fiche un peu que tout soit bien rangé dans le grand immeuble de l'administration fiscale et qui n'en voit que la façade externe, laquelle, spécificité locale, est étrangement courbe. Toute proportion gardée, la petite cité administrative lavalloise ressemble à l'UNESCO. Tordre un bâtiment administratif, c'est architecturalement un trait de génie. Car qui, au moment de remplir par exemple sa déclaration d'impôt, ne se trouve pas brutalement transporté dans une sorte de partie d'échec cauchemardesque impliquant un espace à la géométrie non standard ? Vous me répondrez que l'État c'est moins pire qu'avant, que c'est pré-rempli par exemple, que l'appli n'est pas si mal. Et c'est probablement vrai, la modernisation de l'État, il y a même, je crois, un ministère pour ça. Sauf qu'il arrive toujours un moment où on finit en larmes ou furieux devant un guichet quelconque. Voyons par exemple ce qu'il en est de l'application SNCF. Je pressens une expérience de réservation douloureuse, Aurélien, non ? Bah oui, évidemment. Alors je ne vous parlerai pas de ce brillard Paris passé presque en détention sur une plateforme entre 2 policiers en civil encore plus patibulaires qu'un tract du syndicat Alliance parce que mon appli bancaire avait mal parlé à mon appli SNCF, moi qui innocemment étais venu ce jour-là admirer le pont canal, chef-d'œuvre de l'ingénierie française, et qui ignorait que le chef-d'œuvre de l'ingénierie française c'était désormais l'infaillible et la plébiscité appli SNCF. Plébiscité, tu m'étonnes, non seulement c'est catastrophique à l'usage, mais en plus, on nous oblige, avant de partir, à répondre à un sondage tourné de telle manière qu'il n'admet que des réponses élogieuses. L'appli nous engueule littéralement de ne pas être fichu de la comprendre. Bref, j'avais cette fois voulu, dans un hybris insensé, réserver 5 places, tarif famille nombreuse, car la SNCF est évidemment nataliste, et que dans un mouvement de faiblesse, j'avais cédé à une injonction obscure qui consistait à faire un 3e enfant pour bénéficier de la carte mythique. Eh bien, il s'est avéré tout simplement que c'était impossible. Alors je me suis rendu à un guichet, ça tombait bien, j'étais allé à Chartres, avec le vent dans le dos, j'étais en avance sur mon train, c'était l'occasion rêvée, et c'est ainsi que j'ai passé plus de temps à un guichet SNCF que devant les plus beaux vitraux du monde, en vain, évidemment, il me manquait des documents, le fameux formulaire A38 ou l'équivalent. Mais en ouvrant l'appli, dans un ultime défi en attendant mon train, j'ai découvert en haut à droite cette orgueilleuse mention 87.1.0. Et c'est pas le nom du formulaire que vous recherchiez dans la maison qui rend fou ? Eh bien non, ce n'est pas une maison, c'est une cathédrale, car ces numéros indiquaient que l'insupportable appli, l'une des reines de l'App Store français, en était à sa 87e version et des poussières. Dans le genre travaux infinis, c'était un autre genre de cathédrale, et je devais m'agenouiller devant sa splendeur incompréhensible. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clémentine Marais en compagnie de Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série autour de la correspondance de Flaubert. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jean-Frédéric. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour un cours particulier, comme tous les vendredis. Demain, nous serons en compagnie de Lila Boidema, qui est réanimatrice à l'hôpital Bichat. Et elle viendra vous expliquer en quoi consiste son métier. D'ici là, vous pouvez réécouter cette série d'émissions autour de la correspondance de Flaubert, en ligne, ou bien en téléchargeant l'application Radio France, qui vous permet d'écouter chaque émission en direct, ou en téléchargement, en podcast. Vous pouvez aussi aller sur iTunes, Spotify, nombreuses sont les plateformes qui vous permettent d'écouter cette émission à l'heure de votre choix. Rendez-vous sur les réseaux aussi, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.